Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Première série, Le Crime de la Duchesse. Première partie, L'Énigme. Chapitre 1er, Une nouvelle sensation. C'était dans un cabinet du restaurant Brébant. Quatre jeunes gens, pendant les derniers jours de juillet 1871, achevaient un dîner que le baron Brice n'eût pas désavoué. Ils appartenaient tous les quatre, à des titres divers, à cette jeunesse ardente qui sait faire marcher de pair le travail et le plaisir. L'un, qui se nommait Maxou, était un avocat stagiaire attendant sa première grande cause. Le second, irréprochablement vêtu de noir et cravaté de blanc, venait de passer sa thèse de docteur en médecine avec un brillant succès. Lui aussi attendait son début dans la carrière, sous la forme d'un premier malade. Il s'appelait Cavarox. Le troisième, une sorte de gringalet à la figure chafouine, était un simple clerc de notaire en quête d'une femme laide dont la dot servirait à lui acheter une étude. Le quatrième, l'amphitryon, était un jeune journaliste aux cheveux en coup de vent et aux allures dégagées. Il répondait au nom de Martineau et faisait ses premières armes dans la presse parisienne en qualité de reporter. Le café était pris. On en était aux cigares et aux confidences. « Martineau a la parole, » dit l'avocat. « Messieurs, je vous invite au silence. Notre ami va nous apprendre comment il est devenu le repropriétaire du billet authentique de la Banque de France, dont il vient de consacrer généralement une partie à nous offrir un plantureux dîner. J'ai tout simplement déniché une nouvelle sensation que mon journal a payé 500 francs, sans compter un crédit de 1000 francs pour suivre l'affaire, » répondit Martineau, en prenant l'air modeste d'un homme qui a la conscience de son profond mérite. « C'est-à-dire que tu as mis la main sur un filon d'or, » riposta le clerc de notaire, dont les yeux brillaient de convoitise. « Le plus beau de l'affaire, » continua le reporter, « c'est que du même coup, je vous ouvre à deux battants, mes amis, la porte de la fortune. À toi, Maxou, je donne la cause célèbre qui mettra en lumière ton talent oratoire. À toi, docteur Cavarox, je procure le début scientifique qui servira de tremplin à ta renommée. Est-ce qu'il n'y aura rien pour moi ? Hasarda timidement Salavert, le clerc de notaire ambitieux. Oui, très cher, nous te protégerons lorsque nous serons arrivés, répliqua Martineau d'un ton de mécène. Assez de préface comme cela, interrompit Maxou. Raconte-nous ton histoire ou ton roman, mon brave journaliste. Il me suffira de vous lire les preuves de mon article, répondit Martineau. Le silence se fit, et il lut ce qui suit. Le cri mystérieux du château de Faubourlois. Le château de Faubourlois, qui sert de résidence d'été à un duc que je me bornerai aujourd'hui à désigner sous l'initiale V, est situé à quelques kilomètres de Château-Chinon, dans l'un des sites les plus pittoresques du Morvan. Une rivière coule au bas, entourée de forêts magnifiques. Le maître de ce manoir princier, l'un des plus grands propriétaires terriens de France, avait eu une jeunesse passablement orageuse, mais dont les ardeurs semblaient s'être amorties depuis son mariage avec une Espagnole de grande famille, de grande fortune et d'une rare beauté. Au moment où le drame que nous allons raconter s'est accompli, la cinquantaine avait sonné pour le duc, et la duchesse venait de franchir le cap de la quarantaine, si redoutée de toutes les femmes. Pendant l'hiver, il résidait à Paris, dans un somptueux hôtel des Champs-Élysées, mais dès que les premières feuilles des arbres verdoyaient, ils prenaient leur vol vers leur château du Nivernais. La duchesse surtout affectionnait cette tranquille retraite. C'est là qu'elle se consacrait tout entière à l'éducation de ses deux filles, Ève et Marcel. Marcel, qui avait 18 ans, était le portrait rajeuni de sa mère. Elle était grande, élancée, un peu pâle, mais d'une pâleur ardente, comme la duchesse. Des deux côtés de son front, ruisselait sur ses joues, en boucles soyeuses, d'abondants cheveux d'un noir de jais. Ses lèvres avaient le tendre incarnat de la fleur du péché. Frangées de longs cils d'ébène, deux yeux de flamme luisaient sous l'arc de ses sourcils. Vous eussiez dit, en la voyant, une de ces belles madones de Murillo, descendue de son cadre pour recommencer la vie. Ève, qui entrait dans sa 17e année, était le vivant contraste de sa sœur. Par les gracieux contours de son visage, la suave délicatesse de ses formes, les reflets dorés de sa blonde chevelure, la couleur azurée de ses yeux, Elle rappelait ces charmantes et mélancoliques châtelaines saxonnes, si poétiquement chantées par les vieux bardes. Outre leurs deux filles, le duc et la duchesse de V avaient un fils nommé Octave, qui faisait son droit à Paris. « Octave de Valombreuse !» interrompit Salabert. « Parbleu, je le connais. Son père, qui est un client de mon patron, vient de lâcher, pour payer les dettes de ce charmant gandin, la bagatelle de 100 000 francs. Il va bien, le petit Octave, il va très bien. » Martineau continua. Le mois de juillet était arrivé, le duc de V était parti depuis 15 jours pour les eaux du Riage, laissant au château la duchesse Ève, Marcel et leur institutrice, une belle jeune fille nommée Flavia Morin. Orpheline et ancienne élève d'une grande institution des environs de Paris, Flavia était regardée dans la famille V non comme une salariée, mais comme une amie. Marcel et Ève semblaient être deux sœurs pour elle. C'est dans ce milieu si calme qu'une tentative de crime a eu lieu. Une main scélérate a versé du poison dans un breuvage destiné à la duchesse de V. Voici les faits, dans toute leur simplicité. Le 10 juillet, au soir, la duchesse s'étant trouvée un peu souffrante, son médecin, qui était demeuré au château, lui avait prescrit une infusion de mélisse. Les domestiques sont occupés à desservir, et je vais la préparer moi-même, avait dit l'institutrice. La duchesse l'avait remerciée par un sourire de reconnaissance. Quelques minutes après, elle revenait avec l'infusion prescrite, dans laquelle la duchesse mit du sucre. Pendant ce temps, Ève et Marcel montraient leur herbier au docteur. La duchesse interrompit les explications scientifiques que le médecin se disposait à donner. « Docteur, lui dit-elle, voyez donc, cette infusion a un goût étrange. » « En effet, fit le médecin après avoir dégusté le breuvage. Puis il prit la cuillère et ramena du fond de la tasse une poudre d'un blanc grisâtre. Surpris, il jeta une pincée de cette poudre sur un des charbons ardents du foyer. Aussitôt une odeur aliacée et pénétrante se répandit dans le salon. Un grand étonnement se peignit sur le visage du docteur. « Ce breuvage, dit-il, après un silence de quelques secondes, est empoisonné. Cette poudre blanche est de l'arsenic. »« De l'arsenic ? » s'écria Flavia en pâlissant. « C'est impossible, puisque c'est moi qui ai préparé cette infusion. » Le docteur lui demanda si quelqu'un était entré dans la cuisine pendant qu'elle s'y trouvait. « Personne, répondit l'institutrice avec assurance. « J'emporte ce breuvage, reprit le médecin en s'adressant à la duchesse de V. Demain, je vous dirai si mes soupçons sont fondés. » Le lendemain, le médecin revint, mais il n'était pas seul. Un magistrat l'accompagnait. Une heure plus tard, Flavia était sous le coup d'un mandat d'arrêt, et on la transférait dans la prison de Château-Chinon sous l'inculpation de tentative d'empoisonnement sur la personne de la duchesse. « Évidemment, concluait le reporter, une tentative criminelle a eu lieu. Mais quel est le coupable ? La duchesse de V n'avait aucun ennemi. Quant à l'institutrice Flavia Morin, quel intérêt l'aurait déterminée à commettre une action aussi épouvantable ? Mystère. Mystère, répétèrent en chœur les auditeurs. Mais comment t'as-tu procuré tous ces détails ? Demanda Cabarrox à Martineau. Le hasard, cher ami, le hasard. Le cocher du duc de Valombreuse est mon compatriote. Je l'ai rencontré ce matin dans Paris, où il était envoyé pour ramener au plus vite le jeune Octave au château de Faubourlois, et il m'a raconté ce que je viens de vous apprendre. « Très bien, » répliqua l'avocat Maxou, « mais je ne vois pas en quoi ce drame ténébreux peut devenir pour Cabarrox et pour moi le point de départ de notre fortune. « Myope que tu es, » riposta le docteur, « Martineau a raison, il y a dans cette affaire la promesse d'un début superbe pour ton éloquence. » Si tu deviens le défenseur de l'institutrice Flavia. J'admets la chose, cher, mais je ne devine pas en quoi tu pourrais, toi, intervenir dans tout ceci, répondit Maxou. Pardieu, c'est pourtant passablement clair. Si je suis chargé de la contre-expertise, je prouverai que le médecin morvandais a commis une ânerie en trouvant de l'arsenic dans le breuvage. Je reprendrai en sous-œuvre le rôle qu'a joué Raspail dans le procès de Madame Lafarge. Et celui-ci sera tout aussi célèbre, ajouta Martineau, fiez-vous-en à moi. Lorsque s'ouvriront les assises, j'en ferai sortir quelque chose de si phénoménal qu'Edgar Poe en frissonnera dans sa tombe. Maintenant, quelle est ta conclusion, reporter de mon cœur ? Demanda Maxou. Nous partons ce soir pour Château-Chinon, répondit Martineau, et nous manœuvrerons de telle sorte que toi tu seras l'avocat de l'institutrice et toi, docteur, le médecin expert choisi par la défense. Accepté, firent Maxou et Cavarox. Il est 9 heures. Le train part 11 heures. À 11 heures moins le quart, rendez-vous à la gare. Mais moi, quel sera mon rôle dans tout ceci ? Demanda Salavert. Imbécile, il est tout tracé, répondit Martineau. Tu éplucheras dans ton étude le dossier Vallombreuse. Qui sait, une lumière quelconque jaillira peut-être de tes cartons poudreux. Convenu, je creuse à huis clos l'article Vallombreuse, répliqua Salavert d'un ton capable. 2 heures après cet entretien, l'avocat Maxou, le docteur Cavarox et le reporter Martineau montaient en wagon, se dirigeant vers Cercy-la-Tour, station la plus rapprochée de Château-Chinon.